folie, les semaines dévernies. Il n'y a que la porte, il n'y a pas que l'élégance de marier sans arrogance. Quelques tons en harmonie, quelques tissus sans faux plis. Par l'impression fausse du premier regard, par l'apparence qui souvent nous égare, Il n'y a pas que l'assistance d'un titre de la finance. S'estimer bien heureux, acquérir ses plus chers vœux. Il n'y a pas que la prestance d'une beauté sans importance. Pour des nombres et ses amis, ceux qui vous disent toujours oui ont juste trop